mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita, mamacita. Yo toujours t'y ai, même par les couelles, l'amour qu'on fait, yo pas du temps, on me s'était. Por favor, le pido.